Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi et on va s'écouter de bons vieux tubes du passé. Aujourd'hui, un ovni, Alphonse Mouzon. C'est un percussionniste batteur né en 1948 à Charleston. Alors il sera plutôt connu pour son style explosif et nouveau à l'époque jazz fusion. Il a monté très rapidement son label Tenacious Records. Il compose, arrange et produit avec succès durant les années 60 et 70 avec le groupe Weather Report. Il va atteindre une apogée musicale en jouant avec des grands noms tels que Herbie Hancock, Stevie Wonder, Eric Clapton, Robert Plant ou Miles Davis. Rien que ça. Et pour vous faire découvrir son talent, rien de tel que I'm Glad That You Are Here. C'était en 1981 et ça donnait ça. Le 25 juin, cela fera 15 ans que Michael Jackson nous a quittés. J'ai décidé de lui rendre hommage aujourd'hui en diffusant deux titres. Le premier extrait d'Off the Wall, c'est Burn This Disco Out. Alors, ne surtout pas suivre le conseil, car notre émission s'arrêterait. Elle est apparue sur la face B de Beat It, elle a été composée par Rod Temperton. Alors, le second morceau, c'est You Rock My World, pardon. Sorti en 2001 sur l'album Invincible. You Rock My World fut la seule chanson d'Invincible interprétée sur scène lors des deux concerts de Michael Jackson au Madison Square Garden en 2001. La chanson elle a connu un beau succès en Europe et elle atteindra le top 10 des ventes de singles dans plusieurs pays, notamment en France, où elle se classera à la première place. Aux États-Unis, elle a atteint la 10e place du Billboard US. Un exploit, sachant que le titre ne bénéficia que d'une promotion radio à cause du refus de Sony Music de le sortir en single dans ce pays. C'est parti pour l'écoute. We'll be right back. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Oh man, oh, look at that girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the, oh, she's just too fine. She knows she's fine too. She is banging. Oh, she's off the hook. She looks good. Oh. You're right. And I bet you can't nobody get that girl. Chris, I can get her. You can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl. Watch me get that girl. I bet you never, Neverland, you can't. I can get her. All right, come on in. Come on! Watch. I don't think they're ready for this. Dark child. The same, 'cause girl, you came and changed the way I walk, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. I'll stay with me, I'll fulfill my dreams, and I'll be all you need. Yeah. Change, c'est dans l'air du temps parce qu'on est au maxi là. Change, je parle du groupe bien sûr. Alors on va écouter It's a Girl's Affair, qui est extrait de l'album The Glow of Love, sorti en 1980. Ah, il s'agit du premier album du groupe, et quelle entrée en la matière, surtout avec le titre The Glow of Love, interprété par l'immortel Luther Vandross. Le titre que nous allons écouter est uniquement sorti aux USA en tant qu'extrait. Je ne sais pas pourquoi, il y a du favoritisme. Mais pas grave, parce que quand c'est du bon, c'est quand même pas mal de l'écouter. C'est parti. Stop. écoute, j'ai dégoté un titre de SOS Band que je ne connaissais pas. High Hopes est paru sur l'album 3. 3 comme le troisième album qui sort. Et vous allez me dire, ils sont pas trop foulés pour trouver le titre. Hein. Alors le titre atteindra une modeste 25e place aux USA. Il va marquer le début de la collaboration avec Jimmy Jam et Terry Lewis qui seront à l'origine des futurs succès du groupe. Mais ceci est une autre histoire. nous voilà à la fin de notre rendez-vous. Je vais vous souhaiter de vous porter bien et de qu'on se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye. We'll be right back.